C'est bon, un labyrinthe. J'ai beau avancer, marcher, toujours marcher. Mon estomac gronde, j'en ai marre de cette ronde. C'est long, long, labyrinthe.